Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Frédéric Sigrist. Salut Frédéric, comment tu vas ? Salut Sofiane, bah écoute, ça va très bien. Ah, bah ça me fait plaisir et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ah bah c'était... Écoute, ça faisait un moment que je voyais ton nom passer, etc., que je vois ce que tu fais et je suivais le podcast aussi et je me suis dit, ah c'est sympa comme petit exercice. Donc, quand le théâtre qui s'occupe de moi m'a dit « Ah bah tiens, il y a Sofiane qui aimerait bien », je lui ai dit « Bah oui, faisons ça ». Ah, eh bien écoute, ça me va droit au cœur, je te remercie pour ton soutien. Et donc, j'imagine que quand je t'ai proposé ça, quand tu as su qu'on allait enregistrer, je pense qu'il a dû y avoir au moins une anecdote qui a popé tout de suite dans ton esprit. J'aimerais pouvoir te dire qu'il n'y en a eu qu'une seule, parce que ça voudrait dire que j'ai eu qu'une seule galère en tant qu'humoriste, mais mine de rien, ça fait quand même un certain temps que je fais ce métier, et il y en a eu plusieurs qui ont... Ouais, je pense qu'on en a tous plusieurs à partir du moment où on monte sur scène, on s'expose aux galères, et toi en plus avec le nombre d'années que tu as, la grande expérience de scène que tu as, je suis sûr que tu en as plein, mais j'ai l'impression que toujours les humoristes, quand on leur demande une anecdote, il y en a toujours une, tu sais, qui sort du lot un peu. Bah en fait, et pour moi, il y en a vraiment deux particulièrement qui se distinguent. La première, c'était... j'ai joué au théâtre Thalia, c'est un théâtre qui n'existe plus dans le 13e arrondissement, qui était une sorte de projet un peu fou monté par un mec qui s'appelait Bertrand d'Estrignéville, qui avait décidé d'ouvrir un théâtre, mais loin des métros, loin de tout, dans le 13e arrondissement. Il y avait deux salles, et une grande et une petite, et dans la petite, il avait mis des one-man shows, et notamment un de mes spectacles qui s'appelait à l'époque « Frédéric Sigrist refait l'actu ». Je jouais trois fois par semaine. Mmh. Et forcément, pas de médiatisation, tu joues ton spectacle dans une forêt d'humoristes, c'est parce que déjà à l'époque, là je te parle d'une période qui remonte à 15 ans environ. Ah oui, d'accord. Il y avait déjà beaucoup de monde à Paris, parce que bah, dès que tu fais ce métier, tu montes, a priori tu vas sur Paris. Et donc moi je jouais, et il y avait des soirs où il y avait vraiment vraiment vraiment pas grand monde. Un soir, il y a Josette qui était l'épouse de Bertrand d'Estrignéville qui me dit « Écoute Frédéric, ce soir t'as deux personnes ». Et moi, hyper optimiste, vraiment samouraï dans l'âme, j'ai dit « Écoute, deux, je joue ». Ils ont fait le déplacement, je joue. Je commence le spectacle et vraiment énorme moment de solitude parce que c'était un jeune couple. Je sais pas si c'était lycéen, étudiant, enfin bref, et moi qui étais déjà plus âgé qu'eux, qui part sur l'autoroute du du bide, oui. Et qui prend sur moi de les faire rire tous les deux, et je le fais, tu vois, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, et vraiment vraiment vraiment c'était dur. Et dans ces moments-là, j'imagine que dans les podcasts que tu as déjà dû enregistrer, souvent les gens font part de ce moment où tu te sépares de toi-même, en fait. Oui. Tu sors de ton corps et tu te parles en même temps en disant « Mais pourquoi tu t'infliges ça, en fait ?» Oui, et qu'est-ce que je fais là ? Oui, c'est la question pourquoi, qu'on se pose tous. Pourquoi tu fais ça, en fait ? Personne ne t'a forcé. Tu te rends compte quand même que là, tout ça, c'est ta faute tout seul. Hein. Tu pourrais, il y a mille endroits où, même si tu te faisais là, en ce moment, détartrer, ou poser une couronne, ça serait plus agréable que ce que tu es en train de vivre. Donc moi, ce que je te propose, c'est je laisse le corps ici, et mon âme, elle va ailleurs. Et au bout d'un moment, je sais pas, un éclair de lucidité, c'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait, je les regarde, je m'arrête, et je dis, vous savez quoi ? On va s'arrêter quand même. Parce que j'ai l'impression que c'est presque plus gênant pour vous que pour moi. Et là, je les vois tout mignons, ce couple, dans la salle, et ils me font... Oui, je fais voilà. Écoutez, vous êtes tous les deux plein d'espoir. Donc allez-y, passez une bonne soirée. Voilà, on va vous rembourser la place et puis voilà. Donc eux, ils étaient un peu soulagés parce que tu sentais qu'ils étaient très polis. Tu vois, c'était même pas le public méchant qui va critiquer ou ce genre de choses qui va dire ouf ou qui non vraiment. Mais voilà, c'était un grand moment de solitude. Ils étaient que deux. Et ça se sentait très fort. Et puis en plus, moi, j'étais beaucoup plus jeune aussi. Donc, je pense que j'avais peut-être pas les automatismes. Le plan hors sec n'était pas déclenché, tu vois. Et donc, ils sont partis. Et vraiment, moi, je suis rentré chez moi, si tu veux. Je pense qu'il pleuvait même pas, mais dans ma tête, il pleuvait. Sur mon âme, c'était Calais en novembre, octobre-novembre, ciel gris. Enfin, c'était une horreur. Je rentre chez moi, je parle même pas à ma copine, je me mets en position fœtale sur le lit. Enfin, vraiment, ce que tu viens de vivre est horrible. Du coup, j'espère que t'es pas programmé à Calais prochainement. Non, mais en même temps, même eux, ils savent quand même. le mec de Calais qui me dirait non, mais pourquoi vous dites ça, c'est très joli. Je dis, t'es sérieux là? Il va me dire non, je déconne en fait. Non mais c'est... non quand même. Non, j'y suis déjà allé. Je suis sûr qu'on peut beaucoup faire de très bons spectacles là-bas. Tous les Hauts-de-France et tout, le public est génial là-bas, comme le public belge, pareil. Et moi, je l'aime de tout mon cœur. Tu vois, tout le public de Lille, Arras, les environs. Calais, je n'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, mais franchement, je suis sûr que les gens sont géniaux, comme à Lille, comme en Belgique et tout, généreux et réactifs. Tu sais, moi, je suis lorrain, donc en fait... Je m'y connais en région avec une pluviométrie accentuée. En général, le public est top, mais faut dire ce qui est. Des fois, il fait assez souvent un temps vert. Ah oui. Quelque part, on préfère en fait que les gens soient chaleureux alors que le temps est dégueulasse, tu vois, plutôt que qu'il y ait un soleil magnifique et que les gens soient froids comme pas possible, quoi. Ah bah c'est sûr. Ce qui, au passage, m'est déjà arrivé. Du côté de Saint-Tropez et tout ça, où tu sens que mon type d'humour et mes convictions politiques ne sont pas forcément raccord avec la région. Ouais, c'est sûr que c'est pas connu pour leur amour pour la gauche, hein, c'est sûr. Non. Et quand tu t'y connais pas en géographie française, au bout d'un moment, tu te fais une cartographie des convictions politiques des gens, tu dis « Ah tiens, là c'est pas trop… » Ils rigolent beaucoup plus quand je me fous des bobos parisiens que quand tout d'un coup je vais commencer à parler des fachos. Bizarre ça, c'est le hasard. C'est très bizarre. Et toujours est-il que donc, le temps passe, moi je commence à... Tu sais, la résilience est fabuleuse, et tu oublies tout, tu guéris de tout. Et puis je vais au cinéma avec ma compagne. Mais des mois plus tard, hein. Mm-hmm. Et pendant le film, enfin avant que le film démarre, je vois deux personnes, un couple, trois rangs plus bas, oui, dans la salle, qui n'arrêtent pas de se retourner pour me regarder. et ma compagne le remarque, elle dit « Regarde, il y a des gens, j'ai l'impression qu'ils t'ont reconnu ». Et moi, évidemment, bouffi d'orgueil comme je l'étais, je me dis « Bah évidemment, tu sais, maintenant quand même, je joue beaucoup ». Voilà, j'ai fait quelques radios. Sincèrement, c'est normal que les gens commencent à me reconnaître. Tout ça, c'est voulu, ma chérie. Tu sais, il va falloir s'habituer. bientôt, il y aura peut-être même des gens qui n'auront même pas le respect de l'intimité qu'on pourra avoir tous les deux. Je ne m'appartiendrai plus. Les gens vont me demander des autographes. Tu vois, moi, dans ma tête, j'étais parti. Hein. J'étais vraiment parti pour très longtemps. Et je les vois qui se retournent plusieurs fois comme ça. Et tu sais, je souris, tu sais, comme la star qui a ses lunettes de soleil, qui fait mine d'être discret, mais qui sait très bien qu'on l'a repéré. Et moi je suis vraiment, mais le pan dans ma tête, je suis un pan, je fais ma roue dans mon jardin. D'accord, ça va, les flashs des appareils photo te gênaient pas trop? Ah ben non, mais moi là, j'étais prêt à me lever en plein milieu du film. Je dis, oui, écoutez, je sais ce que vous pensez, je sais que ça vous empêche de vous concentrer sur le film, mais faites comme si je n'étais pas là, vraiment. et le film se termine, ils mettent les lumières, donc je vois un peu mieux qui est qui, et là je vois de nouveau les gens qui se lèvent, enfin qui se retournent, et puis ils se lèvent pour partir et ils me font bonjour. Alors moi je leur fais bonjour, mais toujours, je suis toujours sur la même note, c'est-à-dire que là grosso modo je suis Ryan Gosling qui est en face d'un lycée d'étudiants, tu vois, je dis bonjour avec un petit sourire, genre, mais oui, c'est bien moi. Et il dit, ça va, vous allez bien? Je dis, oui, ça va. Et moi, dans ma tête, je me dis, bah oui, c'est des spectateurs que sont venus voir, ils ont forcément aimé le spectacle, c'est pour ça qu'ils me sourient. Et là, il se rapproche de moi, il me dit, ça va mieux, vous avez eu plus de monde? Et là, tout d'un coup, mon cerveau, mais vraiment, vraiment, tu sais, c'est... mais tu passes du chaud au froid et réminiscence, flashback, tout des trucs que tu avais occultés, mais ça te revient d'un coup, la salle où ils sont que deux, toi qui n'en peux plus, ton âme qui est sortie de toi-même, toi qui mets fin au spectacle en plein milieu, qui leur rembourse les places, le trajet de retour, ligne 13 pour repartir chez toi. Et milieu 13 en plus. Et je les vois comme ça. Et là, je vois ma femme qui est morte de rire. Et moi, je dis, oui, ça va, ça. Bah, ça... Elle me dit, mais vous continuez quand même dans l'humour? Et toi, t'es là, t'es. Oui, c'est gentil. Et tu te dis dans ta tête, mais c'était quoi les chances en fait? C'est grand Paris. C'était quoi les chances pour que je retombe sur ce couple qui soit toujours ensemble et que ça qu'on soit dans le même film et que ça soit eux les premiers qui me reconnaissent en dehors. Et là vraiment vraiment c'est j'ai mangé mon chapeau et en même temps ça bah tu vois je t'en parle aujourd'hui parce que j'ai trouvé ça tellement énorme et je trouve tellement révélateur aussi des histoires que tu te racontes quand tu fais ce métier parce que c'est vrai que tu vois t'as envie que ça cartonne, t'as envie que les gens y rient, qu'ils te reconnaissent, tu vois, puis qu'ils t'aiment. Et là, ceux qui te reconnaissent, c'est ah ceux bon. qui ont vu un des pires moments de ta carrière. Ça, j'ai l'impression que c'est l'ego, tu vois, genre là, tu parlais du pan tout à l'heure. Bah, du coup, quand ils t'ont reconnu, est-ce que ça s'est transformé genre en moineau ou un truc comme ça? Ah, mais c'était même... J'étais l'asticot bouffé par le moineau. Il n'y avait plus de pan du tout. Là j'étais, mais vraiment, mais j'étais en train de me dire, écoute, on est dans confession intime. Sauf que c'est moi qu'on filme, en fait. Je suis tout seul à me gargariser de chimères, de rêves et tout ça. Mais en fait, peut-être que tout ça est une sorte d'énorme illusion, de mensonge que je me raconte à moi-même. C'était très, très bizarre. Très bizarre. D'accord. Bah, tu sais quoi, j'ai vécu un truc à peu près similaire, à peu près. Tu sais, c'est le moment où, bah, tu vois, j'étais pareil, j'étais en mode pan et je me suis transformé pareil en asticot. La même chose. C'était, je faisais la première partie de Jean-Marie Bigard au Zénith de Pau. Je l'avais raconté dans l'épisode 100 dans lequel j'ai raconté j'ai fait un épisode seul en fait où j'ai raconté mes anecdotes toutes les centaines d'épisodes en fait je fais ce que j'appelle une Narciss Edition dans laquelle je raconte un petit peu mes galères à moi et des fois dans les épisodes quand il y a des anecdotes qui me rappellent une autre anecdote je les raconte aussi voilà et donc je fais la première partie de Jean-Marie Bigard, donc au Zénith de Pau, après une journée de galère totale, vraiment, enfin voilà, pour te faire ça court, la CGT est en grève, donc manifestation, j'arrive en retard pour terminer le boulot, j'arrive en retard pour aller faire la première partie, ma bagnole qui me lâche, genre le témoin de frein, je roulais avec un témoin de frein allumé, tu vois, et la voiture qui bip, bip, bip, bip. Et en fait, c'était juste, si tu veux, j'ai l'impression que le problème venait du frein de stationnement, pas vraiment du frein, pas des plaquettes, quoi, tu vois. Donc, je pouvais rouler, mais c'était relou, vraiment. Enfin, bref, j'arrive là-bas, je me fais pourrir parce que je suis arrivé en retard. Jean-Marie Bigard qui m'engueule et tout. Après, je monte sur scène, mais le pauvre, c'est parce qu'il voulait, il voulait que je fasse ça dans les meilleures conditions. Je monte sur scène quand même, nickel. Il me présente au top parce que vraiment, ça, tout ça, c'était du off, tu vois, c'était pas du tout devant les gens et tout. Devant les gens, il dit, j'aime beaucoup ce petit jeune qui vient faire ma première partie de temps en temps, nanana, parce que je l'avais fait, c'était la troisième fois que je la faisais, et il disait, vous lui faites un tonnerre d'applaudissements, nanana, donc vraiment nickel. Je passe 10 minutes sur scène, vraiment, tu sais, Zénith, c'est la seule fois de ma vie que j'ai fait un Zénith, je prie Dieu que ce soit pas la dernière, tu vois, genre je volais, tu vois, je volais vraiment pendant 10 minutes, j'ai volé sur scène, quoi, c'était génial, les gens étaient magnifiques. Je termine, je pars en régie avec l'ami qui m'avait accompagné pour regarder le spectacle, on se régale et tout, et à la fin, tout le monde s'en va comme ça, tu vois, genre le flux de personnes, tu sais, c'est un zénith, quoi. Donc, vraiment, la marée humaine remonte comme ça les rangs et je vois un mec de l'autre côté du rang qui me regarde et qui ne suit pas le mouvement, tu vois. Il me regarde, moi, et je sais qu'il veut me parler. tu sens la métamorphose en pan ou pas, là? Ouais, évidemment, évidemment. Voilà, parce que dans ma tête, j'étais là en mode, bon, le monsieur me regarde, évidemment, il veut me parler, c'est peut-être un programmateur. C'est peut-être juste un spectateur qui a beaucoup aimé, mais c'est pas grave. Je sais ce qui va se passer, j'ai l'habitude. Il va venir me voir et il va me dire « C'était vous en première partie ? C'était génial, bravo. J'espère que vous reviendrez bientôt, blablabla. Bla, » bla. Genre un petit shot pour l'ego, tu vois. Voilà. Ouais. Je m'attendais pas du tout à ce qui s'est passé. Donc, le flux de personnes se termine. Le mec vient vers moi. Moi, en mode pan, je me recoiffe vite fait, tranquille. Voilà, je suis prêt à te recevoir. Le mec arrive devant moi et il me dit « Excusez-moi, c'est bien vous qui étiez en première partie tout à l'heure ?» Donc jusque-là, mon plan se déroulait comme prévu. Hein. Oui. Je dis Je dis oui, c'était moi. C'est avec le, pas avec condescendance, mais avec fierté, tu vois. Et il me dit, en fait, Jean-Marie Bigard a des t-shirts à vendre. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'en acheter un ce soir ou c'est uniquement sur Internet? Et là, je dis, tu sais, là, du coup, mode asticot, je dis, pardon. Et il me fait, est-ce que vous pouvez lui demander, s'il vous plaît, s'il peut m'en choper un en XL? Donc, le mec m'avait pris pour un employé de chez Zara, tu vois. Et je suis parti. Ah, mais vraiment, c'est quoi, pendant toute ma marche, pendant la longue marche entre cet endroit et la loge de Jean-Marie Bigard, j'ai eu une réflexion. J'ai eu une réflexion de, tu vois, des fois, il faut savoir fermer ta gueule et fermer ton ego, tu vois. Il ne faut jamais croire que c'est acquis. Et je marchais. J'arrive là-bas, je tombe sur le manager. Je lui dis, excuse-moi, est-ce que Jean-Marie a des t-shirts à vendre ici ou c'est uniquement sur le site? Et il m'a répondu, c'est uniquement sur le site internet. Et là, j'ai eu une satisfaction malsaine. tu vois, de pas revenir avec le t-shirt. Ben, déjà, voilà. Et en mode, le mec a brisé mon ego. Je veux briser son rêve. Tu vois. Et je suis retourné chez lui. J'aurai pas de t-shirt, mon pote. Je suis retourné chez lui et je lui ai dit, je suis vraiment désolé, c'est que sur internet. Et je te rassure, j'ai pas rajouté chat, mais j'aurais pu. Vraiment. Ah, mais là, ça, voilà. Et donc, tu vois, exactement le même sentiment que toi. Et je suis reparti la tête baissée. Mais voilà, quoi, c'est des métiers d'ego et des fois, il y a des choses qui nous ramènent sur Terre. Donc, voilà. Oui, non, mais de toute façon, c'est. Après aussi, il y a ce que j'appelle les contextes. C'est-à-dire que, tu vois, tu fais la première partie. Les gens, ils viennent voir, surtout dans un zénith comme ça, ils ont déboursé pas mal d'argent pour venir voir un artiste. Et donc, en fait, c'est le syndrome de la première partie. C'est-à-dire que tu viens voir quelqu'un. Et tout d'un coup, on te dit, bah voilà, je vais vous présenter quelqu'un d'exceptionnel. Et c'est souvent le cas. Mais dans ton esprit, tu vois, t'es, non, je suis venu voir Jean-Marie Bigard. Je suis venu voir Florence Foresti. Je suis venu voir. Et tout d'un coup, tu vois, tu vas devoir compartimenter ton cerveau en te disant, ah tiens, ah, il est pas mal. Mais tu vas toujours mettre ce petit jeune ou cette petite jeune à la fin. Alors que des fois, ils ont le même âge que l'artiste qui va passer après. Mais il y a ce côté. Il est en construction. Et tu peux. Et ce qui est fou, c'est que tu peux voir la même personne, mais cette fois-ci, dans son spectacle, il va pas changer une ligne de ce qu'il aura fait au Zénith. Tu vas l'apprécier complètement différemment parce que t'es pas dans le même état d'esprit. Si je viens voir ton spectacle, je vais forcément l'apprécier beaucoup mieux que si jamais on en prend un morceau et qu'on le met dans le spectacle de quelqu'un d'autre que j'étais venu voir. Et c'est pareil avec les groupes de musique, j'ai remarqué. Dans l'histoire de la musique, tu as plein de groupes cultes qui ont fait les premières parties d'autres groupes. Et en fait, quand tu vois les témoignages de l'époque, ils disent « Ouais, ils étaient pas mal, mais ça m'a pas forcément marqué. » Mais parce que moi, j'étais venu voir quelqu'un d'autre à ce moment-là. Et il y a aussi la manière dont on te vend, en fait. L'enrobage qui entoure l'humoriste et la manière dont il est reçu. Par exemple, si jamais tu dis dans les tremplins d'humour, dans les festivals, tenez, là on va vous présenter trois humoristes tout jeunes, tout frais et qu'en plus le public sait qu'à la fin il doit voter, et ben il va regarder ton sketch mais de manière complètement différente d'une soirée où par exemple on te présenterait comme un artiste à part entière mais sans la sanction d'un vote du public. Parce que tout d'un coup, le public ne va pas s'arroger le droit d'avoir un pouvoir sur ta carrière. Et ça change, mais complètement le rapport aux choses. Quand j'ai travaillé avec le festival Topin Humour, c'est ce que je leur disais. Je leur disais, essayez d'éviter au possible, d'éviter tout ce qui est notes, jugements et tout ça, parce qu'en fait, ça met le spectateur immédiatement dans un état d'esprit critique et qui va gêner la bonne réception de ce que l'artiste a proposé. Et ça change tout, parce que tout d'un coup, tu demandes au spectateur de se transformer en public, en jury de La Nouvelle Star ou de The Voice. Et en fait, c'est jamais bon signe. Il ne faut pas trop faire ça, en fait. Bah, c'est vrai que ça biaise un petit peu la perception du public et tout. C'est un petit peu comme on ne demande qu'à en rire. J'ai l'impression qu'à partir de ce moment-là, les gens ont beaucoup plus eu le réflexe de juger les autres et de se permettre de donner des conseils et tout, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Et tu te retrouves avec des gens comme Gauthier Fourcade ou même Jean-Louis de Tapia que j'ai vu se faire descendre par les spectateurs et par le jury de On ne demande qu'en rire, alors que c'est des mecs qui ont le talent d'avoir un univers et d'avoir véritablement quelque chose d'hyper drôle sur une heure, et là, résumé à 3 minutes dans un lieu qui n'est pas un théâtre, avec cet amphithéâtre avec Jean Benguigui, Catherine Barma et tout ça, bah, tu te dis, non, en fait, là, vous lui avez tendu un traquenard, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas habilité à juger ce qu'il va faire sur ces 3 minutes. 3 minutes, c'est rien. C'est rien pour lui. Et c'est ça qui est compliqué dans l'humour. Il faut voir les spectacles en entier. Il faut voir ce qu'un humoriste a proposé dans sa totalité, parce que tu ne peux pas résumer. Il y a des trucs, des fois, tu ne les trouves pas drôles au bout de 3 minutes. Et en fait, quand tu rentres dans l'univers, au bout de 5, 6, 10 minutes, tu te dis, ah, finalement, il y a quelque chose, il y a un truc qui me fait rire, c'est décalé. Mais le décalage en 3 minutes, c'est compliqué. Oui, c'est sûr. Ben, si on regarde le spectacle d'Anna Gatsby, celui qui l'a révélé, le spectacle Nanette, tu l'as vu ? Oui, tout à fait. Voilà. Bah oui. Et ben, tu vois, Nanette, si tu regardes que les 3-4 premières minutes, ben, tu vas te dire, ouais, c'est un stand-up comme les autres, il n'y a rien, ça ne casse pas des briques et tout. Et si tu vas jusqu'au bout du truc, là, tu vois le propos qu'elle a, elle change complètement, elle switch complètement en plein milieu du spectacle. Et tu hallucines, et c'est chargé de sens et de messages et tout. Et vraiment, je pense que c'est sur la deuxième partie du spectacle que toutes les lumières se sont faites sur son travail. Parce que la première partie, ça ne la différenciait pas du tout d'un humoriste lambda, quoi. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment rentrer dans l'univers des humoristes, et que la forme courte aujourd'hui, et même la forme chronique, c'est quelque chose des fois de contre-productif par rapport à ce que tu peux créer comme humour. Et c'est un peu un des gros problèmes de l'époque dans le secteur de l'humour. Aujourd'hui, on est dans une société de consommation, tout doit aller très vite. Tu vois, on l'a vu, le succès de la série Bref venait du fait que c'était très, très rythmé et très, très court. De plus en plus de choses nous demandent d'être plus rapide, plus concis, tout ça. Et c'est vrai que l'art sur scène, vraiment, le spectacle vivant, ne se joue pas là-dessus, quoi. Et c'est dommage. Après, il y a des gens qui arrivent à faire les deux. Il y en a qui vont être bons uniquement sur scène, et il y en a qui vont être bons uniquement sur des formats très courts. Mais, ouais. Voilà, il y a de tout, et je pense qu'il faut aller là où on se sent le mieux, en essayant de rester le plus proche de soi, quoi. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas facile de tout concilier, parce que quelqu'un qu'on va voir sur 3 minutes, c'est déjà, moi je trouve que le format court, c'est vraiment le plus difficile, parce que 3 minutes, ça donne vraiment très très peu de temps pour vraiment accrocher les gens et les faire adhérer à notre univers, quoi. On n'a pas le temps de présenter tout un panel. C'est un truc de malade, quoi. C'est 3 minutes, quand tu fais du stand-up pur, ça va, tu peux tu commences à maîtriser le format, mais il y a tellement d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Moi je sais que c'est un peu ma kryptonite, tu vois, le quand je dois faire un truc super court, déjà je suis toujours trop long. Alors quand je dois faire court, c'est j'ai l'impression d'être poursuivi par un énorme réveil, tu sais, avec l'horloge, avec l'aiguille qui est sur le point de m'écraser à chaque phrase. Enfin, à chaque fois, je suis traumatisé. Il n'y a rien qui me stresse plus que des exercices chronométrés. Ouais, sur scène, moi, j'ai du mal, en fait, quand on me dit « fais un passage, vraiment, essaye de ne pas dépasser 8 minutes », en général, je vais plus faire du « allez, 11-12 », quoi. Mais ce n'est pas volontaire, ouais, tu vois. C'est pas volontaire, vraiment. Je ne fais vraiment pas ça pour les embêter ou quoi. Mais bon, voilà, c'est… Non, puis en voilà, plus, il y a une partie de moi qui… au bout d'un moment, qui fait de la résistance. C'est-à-dire que quand moi, il y a quelqu'un qui me dit « Oui, t'as dépassé, là, t'as fait 2 minutes de plus. » Tu sais, j'ai envie de dire « Mais tu crois sincèrement que je fais ce métier pour qu'il y ait un mec qui vienne me voir et qui compte mon temps de parole ?» Si je fais de l'humour et du spectacle vivant, c'est justement parce que tout ce qui est normes, règles, open space, administration, truc à rendre à telle heure, c'est pour y échapper, ça va, quoi. C'est du spectacle vivant, c'est voilà. Moi en plus, j'ai été formé par le théâtre public, où tu tapes des fois des spectacles qui font 4h20 et donc tu as envie de dire, mais moi j'ai fait 8 minutes, j'ai vu des spectacles de 4h20. Non mais arrêtez, c'est pas possible, quoi. Les gens, ils sont contents. Il n'y a aucun spectateur qui va sortir de là en disant « C'était très, très bien, vraiment. » Mais par contre, il y a eu 1 minute de trop à un moment donné. 7 minutes, ça allait bien. Mais la 8e, j'étais révulsé. J'étais révulsé. Vraiment, et vraiment, si, il faut… Non, mais personne ne dit ça. Personne ne dit ça. C'est vrai, c'est vrai. Bah, quand c'est de qualité, bah, tu sais quoi, dans, ça va dans les deux extrêmes, en fait. Si c'est un spectacle de qualité, un morceau que tu vas jouer de qualité, s'il fait 8 minutes au lieu de 7, personne ne va rien dire. Au contraire, limite, ils auraient voulu que ce soit plus long. Et à, l'inverse, et à l'inverse, quelqu'un qui ferait 6 minutes 59, si c'est mauvais, les gens, à la deuxième minute, déjà, ils ont envie que ça s'arrête. Ben oui, ils ont envie que ça s'arrête. Mais en général, on va être totalement franc. Quand tu te tapes un bide, t'accélères et tu vas pas faire les 2 minutes de trop. C'est-à-dire que ou alors t'es une île, tu vois, t'es dans une sorte de bulle hermétique et tu entends pas le public, mais ou tu le vois pas, t'es ailleurs. Mais en général, tu t'en rends compte quand même quand ça prend bien. Et c'est quand ça prend bien qu'en général, quand il y a des rires, bah du coup tu laisses le rire exister. Donc tu vas te prendre déjà 10 secondes dans la vue. Et puis ici il y a de nouveau un rire après parce que le rire appelle le rire et ben de nouveau et au final pour le même texte tu peux te retrouver avec facile 2 minutes dans la vue parce que t'as laissé vivre les rires parce que le silence qui vient après ça fait aussi partie du truc donc si là t'as quelqu'un qui dit ah ouais mais non à la répétition quand il y avait personne un technicien et une lumière crue tu nous avais fait 4 minutes 50 et là maintenant qu'il y a une salle de 2000 personnes qui rigolent, on est plus proche de 6 minutes 30, ça me pose problème. Bah oui, parce qu'on a répété, ils n'étaient pas là les gens. Bah c'est ça, hein. Faudrait peut-être qu'il aille voir le public pour leur demander mais pourquoi vous avez rigolé, pourquoi... Genre, hey, on n'a pas toute la nuit là, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez mettre vos rires en veilleuse parce que nous on a un timing à rendre. Voilà. S'il vous plaît, mettez vos rires de côté, vous les consommerez à la maison. C'est du rire à emporter. Les gardez pour chez vous. Là, il vous fait des vannes. On n'a pas le temps de les consommer sur place. Donc, un doggy bag de vannes. Là, vous venez juste les entendre. Hein. Pas rire ici. Parce qu'il y a ça. Vraiment, on loue. On loue, on est à la minute. C'est pas possible. Ah, mais c'est tellement dommage parce que du coup, c'est plus du spectacle vivant, quoi. Évidemment. Tout ça, il faut relativiser. C'est-à-dire que là, je te parle de 1 à 2 minutes de dépassement. Si le gars fait 45 minutes, là, d'accord, il peut y avoir un souci. Mais voilà, il ne faut pas jouer tout le temps avec un chrono dans la main. C'est, Oui, voilà. T'as l'impression que c'est un speed dating qui ne dit pas son nom, quoi. C'est ça, ben exactement. C'est un speed laughing, tu vois. C'est, franchement, c'est dommage dans ces cas-là parce que ça enlève l'âme un petit peu du spectacle vivant. Tu vois, le spectacle vivant, ça vient certainement à la base du spectacle de rue, tu vois ce que je veux dire. Et dans la rue, il n'y a pas de chronomètre, quoi. C'est bon, c'est dommage. Et je trouve que quand les gens se marrent et tout, surtout, faut pas mettre un blocage. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de Jean-Loup de Tapia. Et il était d'ailleurs dans le podcast, hein, c'était l'épisode 30, et vraiment, c'est un de mes épisodes préférés, parce qu'il m'a raconté qu'il y a eu plein de morts autour de lui. Enfin, là, comme ça, dit comme ça, c'est bizarre, mais vraiment, allez écouter l'épisode 30. Vous allez voir qu'il a vraiment eu plusieurs fois des gens qui ont fait des malaises ou des morts, tellement qu'il y a eu du rire, quoi. Enfin, c'est incroyable. Vraiment, je vous encourage à aller l'écouter. Et lui, en fait, le jour où je l'ai rencontré, c'était dans un festival à Poitiers. C'était mes tout débuts. J'avais genre 6 mois de scène ou un truc comme ça. On s'est retrouvés là-bas. Je l'avais déjà raconté dans un autre épisode. C'est quand je suis arrivé comme ça pour jouer dans le festival, j'ai regardé et j'ai vu Jean-Loup de Tapia. Et j'étais fan déjà à l'époque de La Bande de Ouf, si tu t'en souviens. La Bande de Ouf, oui. Voilà. Clinique, tout c'était ça. Le... Oui. Ah ouais, mais c'était génial. Lui, il était dedans et tout, avec Jean-Loup Chaffre, avec Stéphane Joly. Oui, bah en fait, avec... tous ceux qui citent, oui. Là, c'est ceux qui m'ont formé quand je suis devenu Géo, parce qu'avant, ils étaient formateurs de Géo au Club Méditerranée. Exact. Et c'est eux qui m'ont formé, en fait. Et oui, mais ils sont vraiment géniaux, et puis ils ont un sens de l'improvisation incroyable, et un sens du rire vraiment génial, quoi. Et donc, ce qui s'est passé avec Jean-Loup de Tapia, c'est que quand je suis arrivé, je l'ai vu, et je l'ai reconnu, et j'ai dit « Waouh, Jean-Loup de Tapia est dans le jury !» Et là, mon pote qui était avec moi, Fabrice Lamour, qui était également dans le podcast, Fabrice Lamour me dit « Non, il n'est pas dans le jury, il est candidat. » Là, à ce moment-là, j'ai eu un mouvement de « Ok, on a perdu. » Je le savais direct. Et je le savais. Tu ne peux pas te pointer dans un concours d'humour. Tu vois, je ne sais pas moi, tu vois Jamel Debbouze, tu dis « Tiens, il est dans le jury. » On te dit « Non, non, il participe. » Tu dis « Bon, bah, on a perdu, quoi. Ça y est, c'est mort. C'est là, il y a quelqu'un de beaucoup trop fort. » Ça va être compliqué. Ah ben totalement. Moi, je savais déjà qu'on avait perdu. Donc après, il y a eu la sélection, les demi-finales. Enfin, là, c'était les demi-finales, en fait. Il y avait genre une soirée et puis après, un rendez-vous quelques semaines plus tard pour faire la finale, quoi. Là, bien sûr, sans surprise, Jean-Loup a été donc sélectionné. J'avais fait partie aussi des sélectionnés, donc j'étais très content. Mais je savais que je ne gagnerais pas. C'est mort. Personne ne pouvait gagner. C'était pour Jean-Loup. Il faisait son personnage de Jean-Jacques. Bah oui. Non, mais Jean-Jacques, tu meurs de rire. Je l'ai vu en spectacle. J'ai fait sa première partie à la Luna Negra à Bayonne et j'ai pleuré de rire. Vraiment, il était trop fort, quoi. C'était trop marrant. Et donc là, pour en revenir au timing, à la finale, je crois qu'on avait genre un quart d'heure chacun, 10 minutes ou un quart d'heure chacun. Et lui, il a fait, je crois, il a dû faire un truc comme 25 minutes ou un truc comme ça. Mais il avait tellement embarqué le public qu'on ne pouvait pas lui en vouloir. Et il est venu vers nous à la fin. Il a fait, les gars, je suis vraiment désolé, je sais que j'ai dépassé et tout. Et on lui a dit, mais non, mais laisse tomber, tu les as régalés, tu nous as régalés. Nous, on n'était plus ses concurrents, on était des spectateurs. Hein. Et donc là, c'était du vrai spectacle vivant. Bon, il avait dépassé le temps, mais franchement, c'était bien. Alors qu'il y a des concours où des fois, bon, là, en l'occurrence, c'était un petit peu spécial. C'était tellement bien, tu ne pouvais pas lui en vouloir. Mais il y a des concours où des fois, j'ai vu des mecs qui ont dépassé genre de, on va dire, une minute le timing qu'on avait donné et ils ont été disqualifiés. C'est quand même incroyable. Ouais, c'est fou, ça. Ouais, mais tu vois, c'est le moment où, en fait, je me dis, c'est un festival qui pratique l'antithèse de ce qu'est censé être l'humour. C'est-à-dire que, t'imagines, enfin... Bah, l'humour, c'est le lâcher-prise. Bah oui, tu peux pas. Enfin, justement, c'est censé être un moment un peu libérateur. Tu vois, là, on vient de se taper trois confinements, et on est écrasé par une pandémie, etc. J'espère que les gens qui vont aller dans les salles, enfin, ils ont envie de se marrer, ils ont envie de un petit peu de rire de ce qui s'est passé. Ils ont pas envie que tu les emmerdes avec des règles, avec des trucs hyper coercitifs. Enfin. Mais le gros problème, c'est que c'est devenu un tel business que aujourd'hui t'as aussi pas mal de vendeurs de savon qui prospectent sur l'humour, mais c'est même quelque chose que j'ai vu, c'est même les humoristes eux-mêmes en 10-15 ans, je trouve qu'ils ont beaucoup changé. C'est à dire que moi, je me souviens, quand je suis arrivé sur Paris, tu t'entendais humoriste, tu sentais que sous le côté cancre à l'école, mec qui va faire la tournée des bars, qui va avoir le catering, s'il y a des bouteilles de vin, bon, bah, tu sais que les mecs, ils vont se retourner la tête. Ils arrivaient mal rasés, hein. Ils avaient une pauvre veste qu'ils mettaient pour genre, là, je fais sérieux, j'ai mon personnage de scène, mais les mecs, ils étaient complètement destroy, en fait. Il y avait un peu ce côté. Professeur Choron, affreux, sale et méchant. Et c'est vrai que depuis On ne demande qu'à en rire et tout ça, depuis qu'il y a eu un rajeunissement, le Jamel Comedy Club et tout ça, je vois des humoristes, mais ils sont lookés, après le spectacle, vite, ils vont pas parler avec d'autres camarades humoristes ou même avec le public, ils vont vite rentrer chez eux, voilà, pas le moindre verre d'alcool. Il y a quelque chose de très très de très maîtrisé, de très sage, et tu te dis waouh, ça a changé, quoi. Moi j'ai vu des humoristes, ils avaient les yeux fluo tellement ils étaient alcoolisés en sortie de festival, tu vois. Et tu te retrouves le lendemain matin, il est 8h, t'as pas dormi de la nuit, tu dois prendre le train à 8h25, tu sais plus vraiment comment tu t'appelles, mais il y a une nouvelle génération qui est beaucoup plus sage, je trouve. Et en même temps, des fois, je suis même admiratif parce que je me dis, ils sont pro de chez pro, quoi. Ils sont Saturne noire de. C'est les mormons de l'humour, quoi. D'accord, oui, c'est vrai qu'il y a une certaine discipline. La folie qui existait à l'époque. Ouais, on la voit plus aujourd'hui. J'ai l'impression que des mecs comme, je sais pas, Django Edwards ou des gens comme ça, on verra plus ça, quoi. Le dernier en date, vraiment, qui amène un... Pierre-Emmanuel Barré, tu vois, où vraiment j'ai fait des festivals avec lui, où oui, ça peut partir en torche, mais en dehors de ça, c'est vrai que sur beaucoup, beaucoup de festivals, j'ai vu, si tu veux, le cancre mal aimé du collège, des années lycée, qui est devenu humoriste parce que il a appris à servir de l'humour comme d'un mécanisme de défense. De manière très pragmatique, au bout d'un moment, il a vu des jeunes humoristes qui étaient forcément déjà populaires au collège et au lycée, et donc j'avais envie de dire, ah non, non, ça ici c'est chez nous, ici c'est chez nous, c'est les vilains qui ont pas de copines, c'est nous qui faisons ça, c'est pas vous. Toi, tu vas pas faire le mec, genre j'ai des bonnes notes, j'ai des parents un peu aisés et tout va bien, et en plus je vais être rigolo. Ah non, non, ah non, non, non, ah non. Ouais, c'est vrai, j'avais appris. Oui, ouais, mais je comprends. C'est vrai que l'humour, c'est souvent une arme comme ça pour dédramatiser des situations et puis pour affronter la vie quand elle est un peu trop dure. Moi, j'ai un peu fait partie de ce clan-là parce que forcément, au collège, au lycée, j'étais pas du tout populaire et tout. Donc, l'humour était une arme pour moi pour vraiment, tu vois, et j'avais ressenti quelque chose quand j'étais au collège, c'est que j'avais vu en fait que les gens rigolaient en fonction de la popularité de la personne, tu vois. C'est-à-dire, ils vont rire parce que la blague est drôle, ils vont rire parce qu'ils aiment bien le mec. Tu vois, c'est comme ça. Moi, j'avais vu, j'avais donné l'exemple, j'en avais parlé dans l'épisode avec Rosa Burstein. Le truc qui s'était passé, c'est que moi, en fait, j'avais vu une prof qui essayait de descendre l'écran, tu sais, pour le rétroprojecteur. Et oui. En fait, en descendant l'écran, il est remonté d'un coup. Tu sais, l'espèce de toile, c'est remonté d'un coup. Donc, ça a failli la blesser. Tu vois, et donc on a rigolé, on a eu un peu peur en même temps. Et quand elle l'a redescendu la deuxième fois, moi j'ai voulu faire une blague, genre attention madame, c'est juste comme ça, juste gentiment. Je dis pas que c'était que ça méritait une standing, hein, je dis pas ça, mais voilà, c'était un petit trait d'humour, vite fait. Ils m'ont regardé en mode, tu vois, genre à me toiser du regard et à me dire en gros ta vanne est pourrie. Mais moi j'étais pas populaire du tout. Quelques temps plus tard, oui, j'ai vu le beau gosse de la classe et tout. Qui a voulu allumer les lumières, tu sais, c'était des néons, donc ça mettait un peu de temps à s'allumer. Et du coup, il appuie sur le bouton, il voit que ça s'allume pas, et après, il appuie plusieurs fois, il fait « Oh, allume-toi, oh !» Et là, la salle écroulait de rire, tu vois. Oui. Non, mais ça, c'est l'aura, ça joue, hein. Ça joue vachement. Ah ben, là, ce jour-là, je me rappelle, ça m'a brûlé à l'intérieur. J'ai senti, tu vois, limite, j'ai senti mon âme sortir de mon corps comme quand on est sur scène et que ça vide. Et je te jure, j'étais là en mode « Mais regarde-les, cette bande d'hypocrites, là. T'as fait une blague tout aussi bonne ou mauvaise, selon où on se place, que la sienne. Par contre, toi, ils t'ont toisé du regard, ils t'ont jugé. Lui, ils ont éclaté de rire, ils ont validé ses propos. Et là, j'ai compris qu'en fait, c'était ça. Et quand je suis monté sur scène beaucoup plus tard. Hein, ça devait être genre, je sais pas, j'ai dû monter sur scène peut-être, je sais pas, 13 ans plus tard ou un truc comme ça, ouais. 13 ou 15 ans plus tard. Quand je suis monté sur scène devant des gens complètement inconnus, et moi je l'étais aussi bien sûr, et que les gens rigolaient à mes blagues, là j'ai l'impression de récupérer un peu de ce mal que j'ai ressenti, tu vois. C'est en mode, ah, oh, ils rigolent parce que c'est drôle, tu sais. Je sais qu'ils rigolent pas parce que je suis populaire, je sais qu'ils rigolent parce qu'ils trouvent ça drôle. Et le public, de toute façon, quand il trouve pas ça drôle, il te fera pas de cadeau, tu vois. J'ai l'impression que quand je monte sur scène comme ça, c'est comme si je me réconciliais avec cette période de mon enfance. Ah oui, mais de toute façon, il y a une histoire, je trouve que particulièrement dans l'humour, il y a une idée de revanche sur quoi que ce soit, mais il y a une idée de revanche quand même. Oui, totalement, totalement. Et je comprends totalement ce que tu disais tout à l'heure, parce que si aujourd'hui, moi, en tant que stand-upper, je voyais ce fameux mec là qui a fait la blague « Allume-toi », je le voyais débarquer avec du stand-up, je ferais « Ah non !» C'est moi qui lui dirais « Non, non, ah non, je suis désolé, ah non, non !» Je me dirais, lui en plus, il a le capital popularité, sympathie et tout. Je me dirais, laisse tomber, les gens vont complètement occulter mon passage par rapport au tien, quoi. Bah ouais, mais ça, c'est, ouais, moi, vraiment, c'est un truc, je sais que, ouais, il y a une partie de moi, quand Stéphane Rousseau est arrivé en France, je me souviendrai toujours, ma réaction, c'était, ah non, ah non, non, non, non, non, non, mais il est très drôle, non, non, non, non, et non, et vraiment, les gens, tu sais, avec des arguments, me disent, Frédéric, tu l'as vu, le spectacle? Non. Et pourquoi tu veux pas le voir? Parce que je veux pas le voir parce que je pourrais le trouver drôle. Donc mais pourquoi? Je comprends pas ce que tu me dis. Je dis non, je veux continuer d'avoir mes préjugés. C'est une position idéologique. Je ne veux pas de beaux gosses qui font de l'humour. C'est ça va à l'encontre de tout mon schéma de pensée. Ça n'est pas. Je ne veux pas trouver cet homme drôle. D'accord. C'est totalement subjectif. C'est un préjugé. Je l'assume. Non, non, les beaux ne me feront jamais rire. C'est un peu peut-être comme les racistes, tu vois, qui veulent refuser de reconnaître que Gad Elmaleh est drôle, quoi, ou Jamel Debbouze. Voilà, il y a des trucs comme ça. Mais tu sais, ça va loin. Hein. C'est-à-dire que moi, par exemple, je déteste Marion Cotillard. C'est vraiment une actrice que je n'aime pas. Mais depuis Taxi, hein. C'est vraiment un truc que je sais pas. Ah, ça d'accord. M'est pas arrivé. Ok, quand, pas depuis vraiment Batman. Depuis le début, moi, quand j'ai vu qu'elle jouait dans Batman, pour moi, je me suis dit, mais c'est normal. C'est normal qu'elle veut pourrir à la vie jusqu'au bout. Tu vois, c'était normal qu'elle soit dans ce film. C'était logique. J'aime les super-héros. Elle va venir me faire chier dans ce que c'est normal. De la même manière, quand j'ai découvert que Nicolas Sarkozy était en couple avec Carla Bruni, je détestais les deux séparément pour des raisons différentes. Qu'ils se mettent en couple, j'ai dit c'est normal parce que tous ces gens-là se réunissent dans l'amicale des gens qui veulent me pourrir la vie. Donc, ils se rencontrent, ils échangent et forcément, ils sortent ensemble. C'est normal, c'est normal. Ils se mettent en commun, donc tu penses que ce mariage, en fait, est une espèce d'union contre mais Frédéric Sigrist. C'est pour me faire chier. C'est évidemment, c'est la théorie du complot. J'en suis convaincu, Sofiane. Mais je te remercie parce que tout le monde se posait la question, que fait Carla Bruni avec Nicolas Sarkozy ? On a enfin la réponse grâce à mon podcast. Voilà, pour me faire chier. Pour me faire chier. Voilà. voilà, tu vois, il suffit de poser la question, hein. Et donc, moi, Marion Cotillard, elle ne m'a jamais déçu. C'est-à-dire que par rapport à la détestation que j'avais, tu vois, j'ai vu plein de films où vraiment, je pouvais, mais jusqu'à plus soif, dire « Non mais franchement, vous avez vu le film, quoi, c'est pas possible. » Vraiment, je pouvais vraiment y aller, déverser ma bile et tout ça. Soudain, elle tourne avec Jacques Audiard, que j'aime énormément. Eh ben, je n'ai jamais vu de Rouillé d'os, parce que je sais, tout le monde me l'a dit, qu'elle joue bien dedans. Et je ne verrai pas ce film. Elle dit, mais t'es complètement con. Oui, bien sûr que je suis complètement con. Je ne le cache pas, je ne l'ai jamais caché. Je ne verrai pas ce film parce que sinon, je vais me sentir coupable quand après, je vais lui casser du sucre sur le dos. C'est mes petits plaisirs de la vie, moi. C'est, franchement, elle s'en fout. Elle gagne très bien sa vie. Elle n'en a rien à faire de ce que Sigrist peut dire chez lui à 40 km de Paris. Là. Donc, laissez-moi ça, au moins ça. C'est important de construire un univers, un petit univers, un microcosme qui te permet d'être heureux jusqu'à la fin de tes jours. On est tellement écrasé par plein de choses. Donc, non, moi, des fois, je le dis, j'ai pas envie d'être mesuré, d'être dans la réflexion, de peser le pour et le contre. Non ! Donc, Marion Cotillard, pas une bonne actrice, et les bons, ils sont pas drôles. Eh bien, voilà. Mais je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que les beaux, ils ont pas besoin de ça en plus. Nous, on en a besoin. Non. Nous, c'est notre seul endroit pour briller. Alors qu'eux, ils brillent même dans la rue. Exactement. Des fois même, ils disent rien. Ils sont là et on va leur dire oh, « Tu sais, ce qui est formidable, c'est qu'en plus, tu sais écouter. » Mais non, il a rien dit. Si ça se trouve, il est en train de faire sa liste de courses dans sa tête. Non, vraiment, c'est trop injuste. C'est trop... Donc non. On peut pas continuer de prêter toujours au même, hein. Au bout d'un moment, si tu veux que la chaîne de la méritocratie elle change, il faut arrêter de toujours prêter qu'aux riches. C'est vrai. Je suis totalement d'accord avec toi. Donc à partir de maintenant, la demande est claire dans ce podcast. S'il vous plaît, ne faites plus jouer Stéphane Rousseau, ne faites plus jouer Marion Cotillard. Voilà. À partir du moment où un mec a eu du succès dans sa vie dû à son charisme ou à sa beauté naturelle ou quoi, refusez-le, s'il vous plaît. Embauchez uniquement des gens qui ont galéré, qui en ont besoin. Exactement. Des gens voilà, à qui il manque une jambe, un bras. Oui. Mais totalement. Totalement. Voilà. Moi, je suis en surpoids, donc ça passe. Il faut embaucher des gens qui ont des tares, tout simplement. Et que la scène soit une espèce de médicament, tu vois, contre... Le cours des miracles. Le cours des miracles. Le vrai cours des miracles. Là, il n'y a pas de problème. Là, j'ai rien à dire. D'accord. Eh bien, écoute, c'est une analyse vraiment très, très profonde. Et donc, oui, donc, tu m'as parlé de ta première anecdote avec ce couple qui est quand même mythique, hein, parce que tu les retrouves après au cinéma. C'est vraiment génial. Le coup du pan et de l'asticot, vraiment, c'est... Je compatis parce que, comme je t'ai dit, j'ai ressenti la même chose lors de la première partie de Jean-Marie Bigard. Et du coup, ta deuxième anecdote, c'était un moment un peu de Alors, solitude aussi comme ça ou... Alors non, là c'est des années ont passé, voilà, j'ai bossé à la radio, etc. Enfin, la notoriété est devenue un peu plus importante, je vis tranquillement de mon métier, tout se passe bien. Ça va bientôt faire 2 ans, j'ai une amie qui est comédienne, Juliette Prezzanilli, qui joue dans Demain nous appartient, etc., qui faisait partie du jury d'un festival du film politique à Carcassonne. Et elle me dit, bah, j'ai filé ton nom pour présenter la soirée. Tu peux faire trois morceaux de ton spectacle. Donc, le spectacle de l'époque, c'était « Tout le monde croit que je suis un mec bien ». Et donc, moi, je dis, ah bah oui, pourquoi pas. Tu vois, ça peut être intéressant. Je rencontre les organisateurs. Ils en étaient à la deuxième ou troisième édition. Et ils me disent, l'année dernière, on a eu Stéphane Guillon. Nous, on veut vraiment quelque chose d'irrévérent. C'est pour ça qu'on fait appel à toi. Enfin, bref, donc moi j'ai eu pas de problème. Ouais. Je me dis, c'est le festival du film politique, on était en pleine affaire Polanski, et ça précédait un tout petit peu les Césars présentés par Florence Foresti, 6 mois avant ou 4 mois avant, un truc comme ça. C'était à l'époque des grandes grèves, il y avait le mouvement des cheminots avec la SNCF qui circulait plus, etc. Donc déjà pour aller jusqu'à Carcassonne, ça avait été un petit peu coton. Mais je me retrouve dans la cité médiévale de Carcassonne, je vois la chambre d'hôtel, un truc magnifique, mais vraiment, c'était magique. Dans le jury, on me dit, il y a Sergi Lopez, François-Xavier de Maison, Emma Decaune, Régis Varnier et Vincent Perret. On fait les répétitions, les balances, etc. Et on me dit, voilà, on va remettre plusieurs prix, donc notamment le prix des collégiens, y a des collégiens qui ont regardé plein de courts-métrages de films politiques cette semaine. Et ils vont décerner le prix de leur choix, leur coup de cœur. Ça serait bien que tu les fasses un petit peu parler pour leur demander comment ils ont vécu ça, qu'est-ce qu'ils en pensent, en faisant des petites vannes, etc. Donc moi, j'interroge, il y avait une gamine, elle avait 12 ans. Et c'est elle qui vient dire, nous, avec le collège, nous avons choisi telle personne. Et donc moi, comme je bossais encore beaucoup sur l'actualité, et que il y avait eu l'affaire Polanski juste avant, je dis à la gamine, donc il y avait 700 à 800 personnes dans la salle, Palais des Congrès à Carcassonne, et je dis, oh bah t'as de la chance en plus, cette année il y avait pas Roman Polanski. Évidemment, t'as une partie du public qui rigole, et puis voilà, moi je continue mon truc comme ça. Et il se passe un truc dans la salle, mais je ne m'en rends pas compte. Et puis un peu après, il y a d'autres prix, je reprends la parole et je parlais du mouvement MeToo. Et notamment de la tribune qu'avait signée Catherine Deneuve sur le délit d'importuner, etc. Et moi, je dis, mais depuis combien de temps cette personne n'a pas pris les transports en commun, en fait, pour parler de ça. Et là, tout d'un coup, dans la salle, j'entends, « Eh bien, heureusement qu'elle est là, Catherine Deneuve, c'est une honte !» Et moi, je me dis, oh. Et là, je vois toute une rangée qui se lève, et qui sort de la salle. Ah. Mais dans la rangée, tu as Vincent Perret, sa femme, Emma Decaune, etc. Enfin, tout le qui sort de la salle. Donc, le restant du public les voit comme ça. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, j'avais oublié, avant, j'avais fait des blagues aussi sur Luc Besson, qui lui-même avait des accusations à ce moment-là sur le dos. Et un peu après, au moment où on appelle Vincent Perret sur scène, il vient. Et donc, il remet un prix et tout. Et il dit, mais j'aimerais quand même adresser quelques mots sur ce que j'ai entendu depuis le début de cette... sous prétexte d'humour, on s'en prend à une femme, et on s'en prend à toutes les femmes. Étant odieux, en étant misogyne, etc., etc., et l'opposé de ce que j'avais dit, hein, mais mec me défonce pendant 5 minutes comme ça au micro. Moi, je me dis, mais dans ma tête, ma première réaction, c'est de me dire, franchement, quand on a joué dans The Crow 2, on ferme sa gueule. Tu vois, je veux dire, toi, t'as eu ton quart d'heure de célébrité avec la reine Margot, maintenant, il faut que tu te taises, quoi. Mais je vois les organisateurs qui sont un peu livides et je me dis, merde, c'est leur deuxième édition, ils ont des subventions et tout ça, faut peut-être... Et puis en plus, je suis un grand gaillard, c'est un festival, on va parler un petit peu clairement, c'est-à-dire que c'est un festival du court-métrage politique, l'Assemblée, c'est que des Blancs, y a très peu de métissage, très peu de diversité, c'est vraiment je sais pas pourquoi, c'est pas dans ces festivals là que tu peux avoir 36 courts-métrages sur des migrants, ce que tu veux, mais n'empêche que dans la salle t'as l'impression que ça n'intéresse qu'une partie de la population française, tu vois. Et donc je me dis, si je m'énerve, si je pars en mode Kaira, parce que j'ai un mode comme ça en moi, il va se passer ce qui se passe à chaque fois, c'est-à-dire, elle va dire, on va stigmatiser, quoi. Ah, c'est pas possible, hein. Regarde-moi ça. Dès que t'as un Renoir qui. Il faut que tout le temps qu'ils soient en colère, ces gens-là. Donc, je me dis, reste tranquille. Le poids, tu représentais la diversité, quoi. Donc, il fallait absolument que tu restes digne et courtois, quoi. Ah. Ben oui, t'es obligé d'utiliser des mots comme triple, parce que sinon, toi, tu vas commencer à prendre ta voix, genre, hey, tu vas bien fermer ta bouche, toi. Tu vois. Et là, tu sais que t'as tout l'auditoire qui va tenir son sac de manière un peu plus. Oh mon Dieu, j'en avais vu à TF1, mais je savais pas qu'il y en avait aussi chez nous. Et donc, tu peux pas, en fait. Quand t'es métis, noir, ou peut-être t'es une erreur, mais tu sais que quand tu vas te mettre en colère, c'est pas seulement ce que tu vas dire qui va être jugé. Mais c'est toute une communauté, tout un tas de clichés que tu vois. C'est ça. Voilà. Et c'est ce qui fait que quand t'es Renoir ou quand t'es Rebeu, ce qui va se passer, c'est que dès que tu tiens la porte à quelqu'un, tu dis punaise, j'espère qu'il va se dire qu'on est sympa et tout. Tu vois, oui. On a une expression et on a une politesse supplémentaire. On se permettrait pas d'être froid comme certains et tout. Tu vois, moi, je sais que j'ai toujours cette pression. Bon, je suis poli parce que mes parents m'ont éduqué comme ça. Mais je veux dire, j'ai toujours cette pression supplémentaire de j'espère qu'ils vont pas penser que les Arabes sont pas bien. Ou, tu vois, voilà. Donc, je comprends totalement ton sentiment à ce moment-là. Exactement. Donc, tu vois, je me dis, bon, continue sur ta lancée mon compte triple et puis dis rien. Et ensuite arrive un autre comédien qui dit, oui, par rapport à ce qu'a dit Vincent, je suis totalement d'accord. Et en fait, les 45 minutes qui suivent, je m'en prends plein la gueule à chaque fois qu'un comédien vient remettre un prix. Mais tu vois, ce que je comprends pas, c'est, tu vois, là, ils en ont profité, genre, pour remettre de l'huile sur le feu. Ce que je comprends pas, c'est qu'on a demandé dès le départ quelqu'un d'irrévérencieux. Et là, on te reprochait ton irrévérence, quoi. Mais eux, en fait, ils s'en fichaient parce que c'était les organisateurs qui m'avaient demandé ça. Et eux, ils étaient conscients de ce que j'allais dire. Mais le jury qu'il avait fait venir, justement, dans le cadre du Festival du film politique, eux, c'était vraiment mais tout la grande famille du cinéma traditionnel. Ouais, et puis alors, c'est... Tu vois, eux, ils sont hors sol. Hein. C'est-à-dire que MeToo, mais vraiment, ça leur passe au-dessus. Et donc, le festival se termine. Moi, je suis en loge. J'ai ouvert une bouteille de vin. Je reviens pas en salle. Hein. C'est-à-dire que je me dis, je vais rentrer chez moi. Là, j'ai envie de rentrer chez moi. Je veux plus exister, en fait. Je veux rentrer chez moi. Je veux retrouver ma femme et mes enfants. Et je reste 45 minutes comme ça à picoler mon pinard dans ma loge. Au bout d'un moment, j'attends que le maximum de gens soient sortis. Je sors et là, je vois, il restait du public. Mais, oh, monsieur, on vous cherchait partout. Et les gens viennent me voir. Oh, vraiment, mais on est outrés de ce qui s'est passé. C'est quoi ces gens un but de leur personne. Mais vous avez eu raison de dire les choses comme vous les avez dites. C'est honteux, mais vraiment, j'étais choqué ce qu'ils ont fait. Et donc, tu vois, ça me met un petit peu de baume au cœur, etc. Et je me dis, mais je comprends pas en fait ce qui s'est passé. Et en fait, on m'explique, on me dit, mais tu sais quel est le dernier film dans lequel a joué Vincent Perret? Je dis, mais moi, je sais pas, je m'en fous, moi. Il a joué dans quoi? Dans J'accuse de Roman Polanski. Et ben voilà. Je fais, et tu sais qui était, qui est venu remettre le prix avec lui aujourd'hui? Je dis, non. Régis Varnier. Qui a fait tourner Catherine Deneuve dans Indochine. Et là, mais tu le savais, non, pour dire ce que tu as dit. Tu savais qu'il était dans la salle. Je dis, mais non. Et parce que tout le monde me disait, mais vous n'avez pas peur. Hein. Vous, tu sais, il y a les gens qui te disaient, vous y allez, quoi. Ils pensaient que c'était calculé, quoi. Oui. Et moi, j'étais là, non, mais c'est pas que c'est pas calculé, c'est juste que je suis con, en fait. Hein. Vraiment. Vraiment. Et il me dit, vous savez avec qui il est marié, Vincent Perret? J'ai dit non. En fait, avec la sœur de l'épouse actuelle de Luc Besson. Et là, je me dis, oh, le combo des familles que j'ai fait. C'est quoi, si tu avais voulu le faire exprès, tu ne serais pas arrivé. Mais je l'aurais su, je pense que, parce que je suis courageux mais pas téméraire, je pense que je me serais naturellement censuré. Tu vois, je me serais dit, oh non, quand même, là, ça, je vais forcer un peu. Je vais forcer. Mais là, juste moi tout seul, j'ai réussi à t'énerver mais toute la famille du cinéma et à faire combo. Il a dû étudier des années avec un maître Shaolin qui lui a appris l'art d'énerver les gens. Mais non, C'est un talent que tu as, c'est un talent inné chez toi. Inné, vraiment, de me dire ce qu'il ne faut pas au moment où il ne faut pas, devant qui il ne fallait pas. Et là, j'étais là. Et vraiment, et tu vois les gens qui te mettent la main sur l'épaule. Je dis, ouais, t'es un warrior, toi. Les gens me disent, ouais, c'est, ça se voit quand même, tu vois. C'est normal, tu bosses à France Inter, mais toi, des mecs comme Guillaume Meurice et tout ça, vous y allez. Et moi, j'ai entendu dire, non, Guillaume, lui, il serait allé parce qu'il aurait su. Mais moi, non. Et en fait, on s'est, que j'ai raconté ça justement à Guillaume dans une autre émission. Et il me dit, ah non, mais détrompe-toi, en fait. Moi, assez souvent, je suis exactement dans la même situation que toi. C'est-à-dire que je fais une vanne qui me semble rigolote comme ça. Et je n'imagine pas la portée et devant qui je fais ça. Et voilà quoi, c'est mais moi en général je me dis, oh, c'est juste une vanne quoi, c'est pas grave. Et c'est la réaction qui est tellement, mais ça devient un casus belli, enfin un truc de fou. Ah, c'était un grand moment quoi. Ah ben là franchement, c'était le, comment dire, tu vois, l'alignement des planètes, mais dans le mauvais sens du terme, tu vois. Ah ben c'était mais horrible, Sofiane, vraiment. Je me suis dit, c'était, et tant et si bien que je suis sorti de là, et je me suis dit, désormais, qui que ce soit qui me demandera de présenter quoi que ce soit, c'est non, je ne présente plus rien, je joue mon spectacle, je fais mes trucs dans mon coin, les gens qui ont envie de me voir viennent me voir, mais je, non. Refilez-vous vos prix à la con là et tout ça, mais non, moi je. Et donc d'accord. Vraiment, là ça a été très particulier. D'accord, donc là en gros, pour résumer le podcast, c'est pas de spectacle pour les Jambos, pas de film pour Marion Cotillard et pas de présentation pour Frédéric Sigrist. Et puis par la force des choses, pas de cinéma pour Frédéric Sigrist non plus parce que. Parce que vraisemblablement, le monde du cinéma et moi, nous ne sommes pas raccord. Eh bien, c'est pas grave parce que ton talent d'écriture suffit largement à nous combler et on continuera à te soutenir et à te retrouver sur scène ou derrière un micro, voilà, derrière le micro de France Inter. Justement, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ? Eh bien, écoute, alors plus sur Facebook parce que j'ai été viré. Okay. À vie. Voilà, alors me demande pas ce que j'ai fait, j'en sais rien. D'accord. Donc apparemment, Vincent Pérez a des connexions bien plus hautes que ce qu'on pensait. Non, mais en fait, tu sais, au bout d'un moment, c'est un don. Hein. C'est, je te dis, c'est un vrai don de faire le truc qu'il fallait pas. Et tu sais pas ce que t'as fait, mais tu l'as fait. Donc, d'accord. Bon, bah, du donc, coup, voilà. Pas sur Facebook, ok. Donc pas sur Facebook, sur Twitter, bien évidemment. Mais ouais. Sinon, bah, tu peux me retrouver sur France Inter tous les vendredis matin dans le 5-7 avec ma chronique, mon mini blockbuster. D'accord. Et puis sinon, avec mon émission Blockbuster, tous les 15 jours en podcast natif. Et sur scène, au Théâtre Le Funambule, ça reprend en mi-septembre. Alors, mon nouveau spectacle, Super-Héros. Ok, bah, parfait. Avec un, je mets le lien vers ton site officiel également. Ouais, pas de problème. Merci à toi. Ok. Eh bien, avec grand plaisir. Je mettrai les liens vers les réseaux sociaux. Donc, je pense Instagram. Voilà, je mettrai Twitter. Chaîne YouTube aussi Non. Non, j'ai pas encore développé ça. D'accord, je mettrai ton site officiel et puis Twitter et Instagram, il n'y a pas de problème. Mais merci beaucoup plaisir. Frédéric, merci, le plaisir était partagé. C'était un honneur vraiment de te recevoir ici et puis pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.